pas, j'avais pas un dans le jean. Je sais qui m'aime pour le reste, je suis tranquille. Je régale, je mets le prix. T'arrives vite, ramenez-moi à tout ce qui brille. Grosse qui, je parlais moi, pas de côté. J'ai qu'une équipe comme Francesco Totti. Hola chica, comment estas? Que de la pug, elle fait belle des dédicaces. Je me brise le cou, je regarde que des cas vus. C'est l'enligging, elle est gang, est-ce que t'as vu? Savez comme à Kinshasa, comme à Kinshasa. J'ai ma quiche tala, j'ai ma quiche tala. Ne raconte pas des salas, j'ai que des scala. S'appelle toute Sarah, j'en dis Inch'Allah. J'suis pas les bons dépannés. Tu ne fais que parler, parler. Quand la facture est salée, personne pour donner, donner. J'suis pas les bons dépannés. Tu ne fais que parler, parler. Quand la facture est salée. J'régale, c'est la big myth. C'est la big myth. C'est la big myth. C'est la big myth. Ouais, c'est la big myth. C'est la big myth. C'est la big myth. C'est la big myth. Ouais, c'est la big myth. C'est la big myth. C'est la big myth. C'est la big myth. Ouais, c'est la big myth. C'est la big myth. C'est la big myth. Imagine que du plata, du platine, ma sans ma team. Imagine, ça on la fait, c'est magique. Yeah. J'suis au volant du dernier bolide. On arrive l'équipe est solide. J'prends les paris, j'mets all in. Normal, c'est la big myth. Demain, les stories, la folie. Ce soir, appelle-moi Bonnie. J'fais des strikes comme au bowling. Normal, on fait la diff. Tu ne tiens plus debout, t'es qui est? Amigo, que passe. Savez comme à Kinshasa, comme à Kinshasa. J'ai ma quiche tala, j'ai ma quiche tala. Ne raconte pas des salas, j'ai que des scalas. S'appelle toute Sarah, j'en dis Inch'Allah. J'suis pas les bons dépanner. Tu ne fais que parler, parler. Quand la facture est salée, personne pour donner, donner. J'suis pas les bons dépanner. Tu ne fais que parler, parler. Quand la facture est salée. J'régale, c'est la big myth. C'est la big myth. C'est la big myth. C'est la big myth. Ouais, c'est la big myth. Le platine, ma sans ma team. Imagine, ça au la peuf, c'est magique, ouais. Je régale, c'est la big myth.